Schmilblick est aujourd'hui à Cajarc, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le Schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. À vous Cajarc, à vous Simone, premier candidat. Bonjour Guy, le premier candidat, c'est monsieur... Monsieur Moulineau, monsieur article de pêche à plein du marché à Cajarc. Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulineau. Posez votre question, monsieur. Ouais, oh ! Est-ce que le Schmilblick est-il vert ? Non, monsieur, à quoi pensez-vous ? Un ver de terre de chez Moulineau ! Non, monsieur. Candidat suivant, Simone. Oui, Guy, c'est à vous, monsieur. Bonjour, Guy-Luc, je me présente. Émilie Boulin, compagnon de la Libération, le passage à Cégère. Est-ce que le Schmilblick a fait 39-40 ? Non, monsieur. Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planchers à la télévision. Merci. C'est amusant, merci, monsieur. Simone. Oui. Candidat suivant, c'est monsieur. Khwarazim Ben Salim. Monsieur Ben Salim. Salim. Khwarazim, c'est pas français comme moi. Salim, alors posez votre question. Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que c'est le salas ou la terre, c'est la terre ou le Schmilblick ? Est-ce que le salas ou la terre, la trouvé par terre ? Je ne comprends pas bien, Simone. Monsieur a été coupé. Qu'est-ce que tu racontes des saloperies, toi ? Parce que nous n'avons pas tout compris. Qui que se comprend pas, je parle français aussi bien que toi, s'il te plaît. Alors, t'as d'une français, saloperie de gueule, saloperie. Bon, candidat suivant, c'est monsieur... C'est Papy Bougeau. Oui, les gars. Alors, est-ce que le chemin est l'ennemi? Le chemin est... Alors, Simon, s'il vous plaît. Guigui, candidat suivant, c'est monsieur... Bonjour Guy Tou, Jean-François, que faire à Paris avec un Saint-Jean-Jean au jumping? Est-ce que tu as peur pour servir peut-être un Schmilblick tout seul dans sa tente? Non, à quoi pensiez-vous? À la même chose que vous, dégoûtant! C'est ça, alors s'il vous plaît, le candidat suivant, Simone! Le candidat suivant est une candidate! Non, non! Oh, excusez-moi, on ne les reconnaît plus. Allez-y, posez votre question, monsieur. Oui, alors, est-ce qu'on peut pousser le Schmilblick? Oui, pourquoi ? Pour le faire avancer, ben... C'est amusant. Merci, monsieur Simone. Oui, candidat suivant. Bonjour, Minux. Allez-y, posez votre question, monsieur. J'ai pas de question, ce serait pour dire à René qu'il aille directement chez ZZ, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, je vais t'emmerder pour livrer l'armoire. On lui dira, monsieur. Bah quoi, j'en paye à la télé, je crois, merde. Candidat suivant, c'est monsieur ? C'est Papy Rougeau. Bonjour, Minux. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon gars. Oh! Est-ce que Merci. Candidat suivant. C'est à vous, monsieur. Bonjour, Kilux, là. Est-ce que le Schmilblick, actuellement, est-il contre les travailleurs immigrés, là-dedans? Non, monsieur. À quoi pensez-vous? Je pense à une attaque de CRS, parce que c'est non, pas bon. Alors, s'il vous plaît, je rappelle que le Schmilblick est un jeu. Je rappelle que le Schmilblick est un œuf, et un œuf ne fait pas de politique. Alors, voyons. Hein? Mais non, je l'ai pas dit. Alors, Simone, s'il vous plaît, candidat suivant. Eh bien, c'est monsieur. Monsieur Van Plot, au passage à Cajarc. Est-ce qu'on peut mettre une fois le Schmilblick dans le biberon des enfants? Quoi pensez-vous, monsieur? Ah, des frites. Candidat suivant, Simone. C'est monsieur Papy. Et Papy Bougeau! Bonjour, le Benux. Oh. C'est pas un cadeau, ton machin. Est-ce que le chien Schmilblick, s'il tient de la main, il tient de la main? Admettons, à quoi pensiez-vous, monsieur? Hein? Oh, à rien. C'était pour faire avancer le chien Schmilblick.